pa. What? Wesh wesh, bien ou quoi tu vois? Tu gagnes ou quoi ou tu vois? Je me tiquais ta soeur. Marianne n'est qu'une pute qui s'est baisée dans la zup. Et on baisse les stupes qui la défendent. Tu comprends, le gouvernement veut que leur suce au gland. Je te dis honnêtement, faut être indulgent avec les gens qui sont respectueux avec toi. C'est pour les royales qui sont avec moi. Égorge les chmettas, c'est ça, on dégomme les condés. Mes erreurs dans le passé, j'aimerais les gommer. Je n'irai pas cramer, dans le cerveau de mes frères c'est cramé. Un jour ou l'autre, j'espère qu'on va m'acclamer. Il faudrait que mes ennemis se mettent à caner. La célébrité, je n'ai rien à fêter. Si tu vois une voiture du Tekken, faudrait l'éclater. Bébé, arrête de me flatter, t'inquiète trop, je suis pas en train de faner. Et cette année, c'est moi qui vais tout niquer. Le mag, je vais le cramer. Frère, tiens, le coup, faut pas céder. Inch'Allah, j'ai décédé, mais au faire, mais céder. Faut pas abuser, avec le roi, il nous considère comme des PD. Quand je sors, ma vie, c'est que vous baiser. On en a marre de la chaîne. Si t'as des problèmes, faut les assumer. Te fais pas violer comme l'autre PD. Mais au mec de cité, tu vois les Schmitt, j'essaye de me faufiler. J'sais pas comme Fofana, j'suis qu'un fou fana. Pour mes scars, là, j'baisse car là. J'suis pas comme ça, j'suis pas la starlette. Même si je prends la jet, c'est dans le vrai cochonne. Juste comme une sucette. Et ça part en 7 sur depuis que j'ai bourré le cul à une fille de l'Arthur. Tu m'as cru, fils de tête, souvent, ça part en 7 sur. On a tous un sale vécu. Trop se sont vendus, qui ont donné leur cul. Range les armes, petit, et que les touch-me gardent dédié à Amélie. J'espère que je vais mener une vie paisible. Parce que à tout moment, je peux péter un fusil ou tirer au usine. J'ai qu'une cible, c'est Sarkozy. Y'a trop d'enculés, évite de lancer tes cailloux. Ouvre plutôt ton cahier. Victime, on va t'en tailler. Ouais, ouais. Écoute Roya, on est là, on nique l'état français. J'espère qu'un jour on va pardonner. Alors écoute refrain, c'est pour les freins enfermés. On est là et on vient représenter tous les quartiers. Bébé, arrête de flatter. Yeah, yeah. Ifa 92. Ifa 92. Ifa 92. Ifa 92. Bref 92. Je représente tous les tous. Mifa 92. C'est pour les frères 92. Mifa 92. Souvent victime, pas vu en fière. Mifa 92. Ouais, ouais. Ouais. C'est pour mes frères qui sont souvent victimes de bavures policières. Yeah. Frère, t'inquiète, je gère mon blaze. Viens pas, pas me blaser. 92 marqué sur blason. On veut tous les pitons. Nick François Fillon, je balance mon premier son. Ouais, ouais, ok, ok. Je suis là avec une bête instru. Je représente tous les individus qui sont recherchés par les larges. Écoute, frère, on est là et on revient tout baiser. On assume d'être catalogué au poutre frais. On est là et sa victime, on vient t'entailler.